sur les ondes de Canal Sud 92.2. C'est la Centrifugeuse numéro 389, 18e saison sans Fabrice ce soir, qui est en vacances et que vous retrouverez d'ici 15 jours du côté d'ici quoi. Allez, j'ai oublié mes notes, c'est super. Donc on va commencer un peu en improvisation totale. Et on va commencer par du blues avec Tuna Greenleaf, une américaine qui n'a commencé sa carrière, je crois, qu'en 2007 et qui a sorti son troisième album l'an dernier, son quatrième plutôt, High and Playing, il s'appelle l'album, et on va s'écouter My Turn, My Time. Yes! l'instant, c'était Teach Sacred Souls, la première signature californienne du label Dapton Records, le fameux label de soul de New York. Ils ont sorti leur premier album éponyme l'an dernier et on vient de s'écouter le morceau Overflowing. Pour continuer dans cette veine un peu soul, mais qui l'orne vers la pop, on va s'écouter Paul Weller. Paul Weller est en concert en ce moment en France, ce soir à Paris et demain soir à Bordeaux, mais c'est complet. On va s'écouter un morceau extrait de son album sorti en 2020 qui s'appelle On Sunset. Et j'ai choisi le morceau éponyme On Sunset. So the place where I belong. And if it's not totally fine, at least I know there will be time to bind ourselves with love, the kind of ties there are too few of. We were bound to me, we were bound to me, we were bound. C'était Popincourt avec une exclusivité mondiale, et oui, peut-être, puisque on vient de s'écouter le morceau éponyme We Were Born to Meet, qui sortira ce 15 septembre. Il sera donc du côté de la Dame de Canton à Paris pour fêter ça. On enchaîne avec En attendant Anna et leur troisième album Principia, que j'ai beaucoup écouté cet été. J'ai choisi le morceau The Cut Off. Oh, weather missing part. tua città. Si sente l'odore della ruggine al sole a starsene seduti qua. C'est un peu la Dolce Vita et on vient de s'écouter Giorgio Poi avec son premier album qui s'appelait Fa Niente, il me semble qu'il est sorti en 2017. Et c'était le morceau Le Foto Non Me Le Fai Mai. Voilà, je vous invite à écouter ce monsieur qui nous vient de Rome et qui a fait la première partie de Tame Impala et de Phoenix. Pas de Fabrice ce soir, mais il y a François. Bonsoir François. Bonsoir. Ah, est-ce que c'est le bon micro? Peut-être pas. Je sais pas. Est-ce que ton micro marche? Oui, oui, mon micro marche. Ah, oui. Non, je disais oui, ouh, je n'entendais pas. Oui, donc, bonsoir Nicolas de La Centrifugeuse, et puis merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et tu vas nous parler de Blonde Red Dead, puisqu'il y a une actualité sur ce groupe, à la fois album et concert à venir sur Toulouse. Exactement, oui. Alors j'ai fait une petite sélection musicale, on y reviendra tout à l'heure. Enfin, ça va s'intercaler avec la tienne. L'idée, c'était d'être centré sur l'actualité, mais pas seulement, d'être un peu en décalage parfois. Et justement, ce petit pas de côté avec Blonde Red Dead, qui sort un nouvel album le 29 septembre. Il y a déjà les trois premiers extraits qui sont sortis, puis une petite tournée avec pas beaucoup de dates, hein. Il y aura 5 dates en France, je ne sais pas, dont une le 3 décembre au Bikini. Ouais. Et donc là, j'ai choisi de passer This Is Not, un morceau extrait vraiment d'un album de 2000, je crois, Melody of Certain Damages Lemons, qui reste à mon humble avis leur meilleur album, sachant que les derniers crus ont été un peu décevants, et donc je voulais aussi leur rendre hommage comme ça en mettant vraiment quelque chose qui me semble vraiment être quasiment ce qu'ils ont pu faire de mieux, et leur nouvel album est extrêmement prometteur, en tout cas si on s'en tient aux trois extraits qui sont sortis. Donc je sais pas si je présente le morceau d'après ou non. Non, on s'écoute. Ok, et ben voilà, Blonde Red Dead, This Is Not. Yes. Just Alors François, qu'est-ce qu'on vient de s'écouter ? Alors on vient d'écouter Tom Skinner, qui est le batteur en fait à l'origine, donc qui a monté tout un groupe. Donc Tom Skinner, je pense que le public le plus large en a entendu parler, parce qu'il est à l'origine du groupe The Smile, enfin à l'origine non, mais il fait partie du groupe The Smile, vous savez, avec deux membres de Radiohead, deux éminents membres de Radiohead, Johnny Greenwood et évidemment Tom York, qui d'ailleurs, moi j'aime énormément The Smile, je trouve que ça ramène vraiment ce qu'aurait pu faire Radiohead s'il n'y avait pas eu ce côté un peu, enfin bon bref, dans le champ, une forme de côté un peu géniard de Tom York, qu'il n'a pas du tout, je trouve, dans The Smile. Donc ici, c'est un projet plutôt jazz, c'est un batteur qui vient du jazz, mais qui est très ouvert, qui est sur le label, le Voices of Bishara, c'est le nom de l'album, c'est sur International Anthem, un super label de jazz moderne, qui quand même héberge des artistes aussi pointus que Alabaster de Plume, Angel Bad Dawid, ou Makaya McRaven. Et donc j'aime énormément moi, ce morceau, avec une espèce de groove un peu sec et qui en même temps mélange du Kelsmer et tout un tas d'autres influences, avec toujours ce côté qui revient, mais qui varie tout le temps, ça bouge tout le temps tout en restant hyper stable. Et c'est un morceau que je connais presque par cœur et qui est toujours aussi réjouissant à écouter, avec un violoncelliste qui justement, je trouve, évite les travers du jeu de violoncelle. Je crois d'ailleurs qu'il a plutôt une formation de bassiste au départ, ce qui explique peut-être aussi qu'il a un rapport à son violoncelle tout à fait singulier. Ok, et juste pour rappel, avant, tu avais passé Blonde Redhead qui sera en concert donc le 3 décembre au Bikini, ça vaut le coup de prendre ses places. On va continuer un peu dans ce côté un peu arabisant avec Dominique Dalcan, qui revient avec un nouvel album cet automne, où il a invité pas mal de chanteuses du monde arabe, comme sur le premier single, c'était Swad Massi. Et là, sur le suivant, Mon cœur est solitaire, et on y retrouve la chanteuse Anne Zouari. L'album va s'appeler Last Night A Woman Saved My Life. Et donc, on s'écoute Dominique Dalcan. t'ai-je déjà dit, ils chantent pour toi quand vient la nuit. S'embraser. À vive allure, tu as vu le sol se dérober. T'es figé, les bras ballants, stoppé net dans ton élan. À vive allure, à vive allure, tu as senti le vent tourner. Sous les tropiques, dans les villes, au pied des glaciers. Les bras ballants, dans ta bulle, tu les sens, des courants froids. Des courants chauds, des lignes de front à fleur de peau. Des lignes de front à fleur de peau. À vive allure, tu as vu le ciel s'embraser. De ta bulle, tu as vu tout flamber. Les bras ballants, stoppé net dans ton élan. À vive allure, à vive allure, tu as senti le vent tourner. Aux premières loges, le déluge était figé. Un truc télérique brouille les ondes, excite des courants froids, des courants chauds, des courants chauds, des lignes de front à fleur de peau. Courant chaud, des lignes de front à fleur de peau. Des courants, des courants, c'était Dalva et son troisième album qui s'appelle Les Grandes Houles, qui sortira le 29 septembre sur le label Rockers Die Younger. C'était le morceau Des Courants. La suite, c'est Nicolas Pogam, le trublion de la pop, qui vient de sortir son 6e album, un album en sorte de compilation de morceaux acoustiques, unplugged, mais pas jusqu'au bout, puisqu'il a rajouté finalement pas mal de claviers. Et sur cet album qui s'appelle La Délicatesse, on y retrouve 3 inédits, dont ce morceau éponyme, La Délicatesse, qu'on écoute de suite, Nicolas Pogam. Allure de pointe, la délicatesse. Poser le javelot à plus de 60 mètres, ce n'est pas moi. Le vol du marteau, les stades du Léon, les courses à vélo, Quimper Concarneau, ce n'est pas moi. L'athlétisme est là dans sa tête de pion. C'est qu'il ne dormait pas toujours à la maison. Il a 2 enfants, la délicatesse a juste 20 ans, le temps qui lui reste pour courir les chemins de terre, le froid en hiver, puis gagner durement son pain au pied de ses chèvres. Le coup du berger, un pion isolé, au blitz je le combat, mais le lion est un roi, ce n'est pas moi. Pas moi, des semelles de vent comme pour fuir en avant, le sud du Soudan, le Nil bleu, le Nil blanc, ce n'est pas moi, des mots qui résonnent dans ma tête d'enfant, ce qu'il nous a mené aussi en voyage de temps en temps. Sanglote dans la tienne. c'est l'heure des camions mènent. Dedans, la saison se termine. Tu n'as pas vu le temps tourner. Tu n'as pas vu le temps tourner. Tu parlais de planter une graine. C'était comme marcher sur une mine. Et j'ai dévalé la colline pour m'ensevelir sous la plaine. Tu n'as pas vu le temps tourner. Tu n'as pas vu le temps tourner. Tu disais, toi, tu es une. Cerf qui brame. Mais tu vois, c'était pour la frime. Je suis un lâche comme tous les hommes. Tu n'as pas vu le temps tourner. Tu n'as pas vu. James Dean. Et moi je pleurniche dans la mienne. Dehors c'est l'heure des camions bains. Dedans la saison se termine. Tu n'as pas vu. C'était Signal Faible. Signal Faible, c'est le nouveau projet de Nicolas Falaise qu'on a connu dans le groupe Superflu et aussi Fontaine Wallace. Et il va sortir un premier album qui s'appelle Nom de Domaine. Ça sort le 3 novembre chez Microculture Records. Et sur ce projet, il y fait appel à pas mal d'invités. Par exemple, sur ce morceau qui s'appelle Pizza, on y trouve Christian Kermalet de Marianne Monk. Mais aussi notre ami Jérôme Castel, pardon. Et il y a d'autres invités, on y trouve Nel, Lonnie, Bertrand Betch, Alexandre Delano, Gontard, etc. Thomas Van Cottom de Cabane. Un album magnifique qu'on attend avec impatience. Allez, l'autre, la suite, c'est Murray A. Lightburn. Lui, c'est l'ex-chanteur de The Dears, un groupe, enfin l'ex-chanteur, le groupe existe toujours d'ailleurs, le groupe de The Dears, un groupe de pop-rock canadien qui avait eu un peu son succès au début des années 2000. Et lui, le chanteur, il vient de sortir son troisième album qui s'appelle Once Upon a Time in Montreal et on va s'écouter Dumpster Gold. I never realized what is beyond the walls that you put up. never occurred to you. And now you're gone. It would have been so nice exchanging words just once or twice. This pile of dumpster gold is all part of the buried roots that you put down. I wanted stories of all the stuff that broke you. Now you're gone. It would have been so nice exchanging words just once or twice. Thank you. C'était les Handsome Family, The Handsome Family, un groupe de Chicago. Peut-être que le nom de ce groupe vous dit rien, mais si vous avez déjà vu la série détective, True Detective, pardon, ils avaient fait le générique, je crois, de la première saison. Le morceau s'appelle Far From Any Road. Tapez ça sur YouTube, Far From Any Road, The Handsome Family. J'en suis sûr que vous connaissez ce morceau. Et là, c'est leur 13e album qui vient de sortir vendredi dernier, qui s'appelle Hollow. On s'est écouté le morceau Two Black Shoes. On retrouve le batteur Jason Toff, qu'on connaît un peu ici, puisqu'il a bossé avec A.M. Higgins, et qui vit du côté de Najak, Chicago, une connexion pas forcément évidente à la base, mais voilà, qui marche. Et maintenant, place à François, qui va terminer l'émission sur des morceaux un peu longs. Oui, sur des morceaux un peu longs, mais le premier va être un petit peu dans la continuité folk, hein, en tout cas c'est un peu beaucoup, c'est instrumental, mais on est un peu dans cette mouvance un peu plus folk. Alors c'est un morceau de Julien Ledru, un guitariste parisien, qui va sortir son troisième album là le 22 septembre, hein, c'est ça, mon soupeux. Son premier album est sorti en 2018. Là, c'est vraiment que ça devrait ravir tous les amateurs de folk, fingerpicking, Mississippi John Hurt, en fait, toute cette mouvance-là. Alors, pour la petite, le morceau, comme le nom de l'album d'ailleurs, s'appelle Mellotown Valley, et donc c'est une référence en fait au standard de Duke Ellington, in a mellow tone, qui veut dire au ton doux ou au souffle paisible. Et donc, vous verrez en écoutant ce morceau qui fait plus de 7 minutes, à quel point effectivement on est dans ce ton doux ou ce souffle paisible. Thank you. Exactement, un musicien anglais qui fait une forme d'ambiance folk qui partage les studios avec Kasper Klausen, tu sais, d'Efterklang. Il vit au Portugal. C'est très nourri par les éléments minéraux, marins, aquatiques. Voilà, c'est une musique un peu de flux, de circulation entre tous les éléments. Tout bouge tout doucement. C'est très texturé comme musique. Moi, je trouve ça très beau. Effectivement, on aurait pu finir par ça, je, on parle un peu dessus pour faire une petite transition. Un petit côté méditatif. Exactement. C'est une, très automnale, je trouve aussi. Hein. D'ailleurs, la pochette qui montre une vue sur l'océan avec un rocher, enfin, ça traduit assez bien l'esprit un peu contemplatif et méditatif. Et donc, c'est un album qui vient de sortir. Qui vient de sortir, qui est sorti le 8 septembre. Harp Swells, de son nom. Tout simplement, j'espère que ça vous a plu. Que vous c'est êtes bambou. Bambou UR. J'espère que vous êtes toujours éveillé, qu'on ne vous a pas plongé dans une torpeur, parce que juste derrière, on envoie une pure bombe électronique d'un artiste que je porte nu, qui s'appelle Onetrix Point Never. Ça sort chez Warp fin septembre, et c'est essentiellement du collage, hein. Pas que, mais pour beaucoup. Et donc, c'est un artiste cultissime que vous devez sûrement connaître. Donc là, c'est, je suis tout fou. Le nouvel album, premier extrait. Ça va vous réveiller un petit peu, tout en restant, c'est pas non plus explosif, hein, mais... Ouais. Et juste pour rappeler que l'émission de ce soir sera bientôt en podcast, et que dans 15 jours, c'est Fabrice qui reprendra la suite le 26 septembre. Merci François. Pour l'invitation, puis merci aux auditeurs d'avoir supporté mes choix musicaux. Allez, on s'écoute de suite ton ultime choix. If I take my mind, do I survive my scar? What gives, what I find? Nothing's inside, just a sun that provides.